Toujours en Corée du Sud, selon Yonhap News, les autorités militaires sud-coréennes ont livré successivement le 23 des forces provocatrices partout dans le pays à l'occasion des 6 ans de la bataille au tir canon à l'île de Yeompyeong. À la cérémonie de souvenir tenue devant le tombeau conjoint des victimes de la bataille au tir canon de l'île de Yeompyeong située à Daesun, elles ont qualifié leur mort de sacrifice noble pour farder leur provocation et convertir leur défaite en victoire. Surtout, des troupes stationnées dans les parages du Poncho de la mer de l'Ouest ont livré à l'heure de la bataille des exercices de tir au canon motorisé et de missiles, des exercices et garanties de l'existence et de se mettre à l'abri des habitants, etc. Précédemment, Han Min-gu, ministre de la Défense, a déclaré le 22 à l'île de Yeompyeong que les îles nord-ouest sont une zone de confrontation aiguë sud-nord et qu'il ne faut jamais tolérer des provocations du nord d'il y a 6 ans.